Rest à l'écoute, pal. Ma rest in peace. Exactement, Mathieu. Just now, tens of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Des pièces qui ont quitté les palmarès, c'est fou, depuis l'édition du 20 au 26 octobre 2014. On vient d'entendre Mystery Man avec, par la formation de Stripes, oui, 7 semaines de présence. Avant ce Valerie Gore et Amsterdam qui a duré 7 semaines. Pourquoi est-ce que je le fais à l'envers? D'habitude, on commence par le début. On va recommencer ça, c'était plus logique dans ma tête. Donc, les pièces qui nous ont quittés. On a commencé avec Invincible de Julien Lecheval qui a duré 7 semaines. Ensuite, Vers le Terre de Rouge Pompier qui en a duré 8. Chose Sauvage avec L'Épave Trouée qui a fait 10 semaines. Debbie Tebbs featuring Mr. Valère avec Up, 8 semaines. On espère que ça va revenir sur le palmarès, Debbie Tebbs. Belly Button d'Orange O'Clock qui a duré 8 semaines. Orange O'Clock est de retour en ce moment sur le palmarès avec une nouvelle entrée. Mozart Sister avec Enjoy qui a duré 7 semaines. Amsterdam de Valerie Gore, 7 semaines. Et finalement, Mystery Man de The Stripes avec 7 semaines. Voilà pour Palm Rest in Peace. On a dit au revoir à 8 pièces parce qu'on en a accueilli 8 autres. Hein? C'est de même, ça marche.